déviance du système capitaliste. Toute manigance qui entraîne l'injustice. C'est un homme, mec. Nerfordé à vif, lyrics explosifs. Écoute, trop bas se passe, le système menace. De nos gueules se foutent, on tape, on s'embarque. Plus de passe droit quand d'autres cherchent à une croix. Face à une loi qui sert qu'à ceux qui ont quoi. C'est un homme, mec. Underground Classic King. Fire, fire. Ce soir c'est nuit blanche au quai des Orfèvres. Bienvenue dans les coulisses de l'enfer. La guerre qu'on nous a déclaré sans merci. On veut nos têtes sur un plateau avec du persil. Vision d'horreur à la Wes Craven. Siècle des survivants ayant eu de la veine. On a ce comportement en astruc. Cette façon de faire qui inquiète le juste d'instruc. Une guerre inéquitable. Beaucoup ont baissé les bras. Une équipe solide et calibrée, ça préfère aller qu'est bras. Pour ceux qui tuent les alternatives, un cauchemar. Ça fait le jeu de la droite extrême et la gauche marre. T'es jamais à l'abri d'une bavure dans leur fourgon. Le pire c'est quand le juge délibère avec une bouteille de bourbon. Et ça fit du Luther King dans les discours de facho. À tour de bras on envoie les enfants d'Afrique au cachot. T'es au pays des droits de l'homme, mec. Ça casse des œufs pour faire une omelette. Négro, bico, ciblé pour une mise à l'amende. Regarde France Télévision s'occupe de peaufiner la propagande. Si t'as pas saisi mec, pour toi je peux faire que dalle. Continue à jacasser comme une pute à jouer les grosses pédales. Fichés et mauvaises réputes nous ont massacrés. Une démonstration de force quand ils ont fait l'union sacrée. Tu sais ce que ça suscite. Ça parle de communautarisme, mais si tu marches, c'est du suicide. Répression vive et ségrégation catégorique. On prime l'influence du chétan derrière les rhétoriques. C'est nous que l'hexagone adore. Châtier du haut de son mirador. On est malade, on a soif et on a faim. Ce soir t'es nuit blanche au quai des Orfèvres. T'es au parfum. Ce soir c'est nuit blanche au quai des Orfèvres. Bienvenue dans les coulisses de l'enfer. La guerre qu'on nous a déclarée sans merci. On veut nos têtes sur un plateau avec du persil. Vision d'horreur à la Wes Craven. Siècle des survivants ayant eu de la veine. On a ce comportement en astruc. Cette façon de faire qui inquiète le juste d'instruc. Ce soir c'est nuit blanche au quai des Orfèvres. Bienvenue dans les coulisses de l'enfer. La guerre qu'on nous a déclarée sans merci. On veut nos têtes sur un plateau avec du persil. Vision d'horreur à la Wes Craven. Siècle des survivants ayant eu de la veine. On a ce comportement en astruc. Cette façon de faire qui inquiète le juste d'instruc. Et il faut faire sa place dans cette atmosphère électrique. Où la tolérance est fait exploser les tripes. Par une main ferme, ils censurent nos sens sur les ondes et laissent passer les idées du FN. Dès lors, il faut faire un choix qui s'avère vital pour survivre dans cette guerre inéquitable. Les indécis sont des maîtres choix, ceux que l'on a pourtant prévenus dans nos textes maintes fois. On a quitté nos terres en guerre pour mener une autre. C'est l'itinéraire des hommes d'honneur, celui des nôtres. Dans le ghetto, on a piégé nos vétérans, ces soldats d'hier, aujourd'hui surveillés comme Téhéran. Dans ce contexte, à jamais on est acteur, souvent ramené à jouer le premier rôle, face à nos détracteurs. Quant à la justice, on est victime de sa rigueur, de ses dérives racistes et ses lois en vigueur. La police joue au DIA et son Irak, sous couvert de l'Elysée et Jacques. Quartier sensible, animé par des sirènes et des gyros. Ça cabale derrière les ghetto boys qui crament tout comme des pyros. Pyro, pyro, pyro. Génération influencée par Scarface et Hit avec de Niro. Niro, Niro. C'est nuit blanche au quai des Orfèvres, ça se croit dans le film et joue au héros. Ce soir c'est nuit blanche au quai des Orfèvres. Bienvenue dans les coulisses de l'enfer. La guerre qu'on nous a déclarée sans merci. On veut nos têtes sur un plateau avec du persil. Vision d'horreur à la Wes Craven. Siècle des survivants ayant eu de la veine. On a ce comportement en astruc. Cette façon de faire qui inquiète le juste d'instruc. Ce soir c'est nuit blanche au quai des Orfèvres. Bienvenue dans les coulisses de l'enfer. La guerre qu'on nous a déclarée sans merci. On veut nos têtes sur un plateau avec du persil. Vision d'horreur à la Wes Craven. Siècle des survivants ayant eu de la veine. On a ce comportement en astruc. Cette façon de faire qui inquiète le juste d'instruc. Get on you, top tabo. Trop d'avocats d'amour. Fléau, complot, trop. Subis-moi du mago. Serré et l'écho. Trop de facho. Pour faire des euros, compétition des échos. Ghetto youth sans tabou, trop d'avocats d'amour. Fléau, complot, trop, subis-moi du mago. Serré et l'écho, trop de facho. Pour faire des euros, compétition des échos.